totalement faux, répond la majorité. Pour qui ce débat ? C'est justement l'expression d'une vie parlementaire qui est à la fois dynamique, qui est à la fois harmonieuse et soucieuse de l'intérêt général. À la une ce matin également.